Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et je dis bonjour à tout le monde. Et je vais rapidement partager avec vous cette petite exhortation. Parce que quand vous entendez ce qui se passe de gauche à droite, quand des gens vous appellent et vous racontent, comme le frère qui m'a appelé d'Italie, un monsieur, chauffeur routier, qui a sa fille malade, et voilà quoi, et qu'il a fait le tour de pas mal d'hommes de Dieu en Italie, pour qu'on prie pour sa fille, d'après ce qu'il m'a dit au téléphone, il faut obligatoirement une offrande, et l'offrande c'est pas 20 euros, hein, une vraie somme, c'est-à-dire, cet homme est déçu, il me dit, s'il te plaît, homme de Dieu, prie pour ma fille. Bon, j'ai fait la prière, mais ce qui m'a choqué, c'est que les hommes de Dieu qu'il est allé voir en Italie demandait une offrande, condition pour qu'il faut remplir si on doit prier pour ta fille. Bien aimé, c'est terrible, c'est choquant. Je vais lire la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont demandé à Jésus, Seigneur, tu nous dis que les faux hommes de Dieu viendront, comment on va les reconnaître? La question a été posée à Jésus. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois m'appellent, beaucoup posent la même question. Comment on va les reconnaître? Bien-aimés, Jésus a donné la réponse. Jésus t'a dit, il a bien dit, va lire la Bible, comment tu vas les reconnaître? Jésus a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. D'accord? Quand vous avez aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont traînés dans les tribunaux, n'est-ce pas, pour des magouilles financières, pour du faux et usage de faux. D'autres sont traînés dans les tribunaux pour des adultères, pour des viols. D'autres par des crimes rituels, comme le cas en Côte d'Ivoire où on a égorgé un champ. C'est-à-dire, Jésus a dit de regarder le fruit, les fruits. Vous avez des hommes de Dieu qui passent leur temps à enceinter les femmes dans les assemblées, dans les chorales. Vous avez des hommes de Dieu qui, beaucoup de femmes le savent, il y a des sœurs en Christ qui ferment leur bouche. N'est-ce pas, les pasteurs ont déjà couché avec, n'est-ce pas, ces pasteurs charnels, ces pasteurs qui veulent l'argent à tout prix, comme condition pour prier pour toi, ce sont des commerçants. Jésus a été confronté à ce genre d'homme de Dieu. Il a trouvé des gens dans le temple qui est la maison de prière, le temple de Jérusalem qui était là pour adorer, louer Dieu. Jésus vient, il trouve des gens qui étaient dans le temple, pas dehors, dans le temple, dans l'église, pour de l'argent. Ils étaient dans l'église pour de l'argent. Pas dehors, hein. C'était pas à la terrasse de l'église. Ils étaient dans le temple. Jésus est fâché, il s'est mis à les balancer, à balancer les tables et tout, et à les frapper, parce qu'ils étaient carrément à l'intérieur de la maison de Dieu. Et c'est la même chose que nous avons aujourd'hui, les loups, n'est-ce pas, sont entrés carrément dans l'église. Ils se disent pasteur, bishop, révérend, général, tout. Ils ont pris des gros titres dans le temps pour le pognon. Ils sont là pour de l'argent. Mais Jésus n'est pas là-dedans. La Bible dit, n'est-ce pas, que rien n'est de, dans le livre d'Ecclésias, rien n'est de nouveau sur terre. Ce qui a été, c'est ce qui va revenir. Donc, le monde tourne comme ça. Je vais lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, je vais lire à partir du verset 14. C'est Jésus qui parle. Bien-aimés, écoutez-moi. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus s'adresse à ses appelés, à ses serviteurs. Faites le tour du monde pour prêcher la bonne nouvelle. Il n'a jamais dit, faites le tour du monde pour parler de miracles. Faites le tour du monde pour prophétiser. Faites le tour du monde pour faire des délivrances et des guérisons. Il dit, faites le tour du monde pour prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à la bonne nouvelle. Parce que les miracles ne sauvent personne. C'est la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui sauve. Celui qui croit à la parole, à la vie. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Il n'a jamais dit, allez faire des miracles dans le monde entier. Allez parler de prophéties, de délivrance dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la l'incarnation. Celui qui croira à la bonne nouvelle, pas celui qui croira au miracle. Celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il parle aux disciples. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à la bonne nouvelle. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ces miracles vont se faire en mon nom. C'est en mon nom que ces miracles vont se faire. Il y a un Camerounais ici. Je suis allé un jour dans son église. J'ai assisté au culte. Puis à un moment donné, il dit, on va se lever pour prier pour les gens. Les gens se lèvent. Moi, j'étais là. C'était ma première fois de mettre pied. Il commence la prière et puis après un temps, je vous dis, bien aimé, quand il fait, les gens tombent par terre en transe. J'ai regardé ses doigts, une grosse chevalière avec le dessus noir, grosse chevalière. Moi, j'étais là, je le regardais. À la fin du culte, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais monsieur, bonjour, bonjour. Il m'a demandé, vous êtes de quelle origine? Je lui ai dit, je suis Gabonais. Moi, je lui pose la question. Il dit, moi, je suis Camerounais. Mais après le Cameroun, je suis allé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai fait Abidjan 10 ans. C'est après Abidjan que je suis venu ici. J'ai compris tout de suite d'où est venue la grosse chevalière. Parce que comme vous le savez, il y a Maître Salomon à Abidjan qui a même fait établir un site internet où il propose des bagues de miracles à des hommes de Dieu. Lui ne le cache pas. Et cet homme dit que des milliers d'hommes de Dieu ont été le voir pour acheter des bagues, pour faire des miracles et pour prophétiser. Et quand il m'a dit, j'ai fait 10 ans à Abidjan, après j'ai compris la grosse chevalière qui était au doigt. Jésus dit, il y aura des miracles de la part de mes serviteurs. Ces miracles se feront en mon nom. Feu, feu, feu, feu, feu, c'est pas en son nom. Il y a un miracle qui se fait, mais il n'est pas fait en son nom. Fire, fire, fire, fire. Le miracle se fait, les gens tombent, ça bouge, mais ce n'est pas en son nom. Oh, peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Qu'on ne vous roule pas dans la farine. Le diable ne fait pas les miracles au nom de Jésus. Fire, fire, fire. Et puis, il va vomir. On t'a fait manger des trucs. L'esprit me dit qu'on t'a fait manger des trucs. Et amener un seau. Il va vomir. Il va vomir. Fire, fire. Ça se fait pas au nom de Jésus. Jésus a dit c'est en son nom. Ne suivez pas bêtement les miracles. Est-ce qu'ils sont faits au nom de Jésus? Ok. Mais il faut être vraiment, il faut avoir le discernement. Parce qu'il peut dire au nom de Jésus tout de suite, ensuite suivi de fire, fire. Il peut dire au nom de Jésus, après feu, feu. C'est pour vous rouler dans la farine. C'est quoi une incantation? Je l'ai déjà expliqué. Une incantation, c'est une communion entre le fétichiste, c'est-à-dire celui qui a la bague, et l'esprit démoniaque qui est lié à la bague. Un esprit démoniaque est lié à la bague. Ça, c'est le travail qui a été fait par le marabout. C'est-à-dire, le marabout a lié à ta bague un esprit. Cet esprit, tu communiques avec eux. Tu lui donnes des ordres. Un esprit, c'est comme un chien. Quand tu dis à un chien, attrape, le chien court pour attraper. Donc, quand tu fais une incantation, feu, feu, parce que le marabout te dit, comme Dieu, tous les chrétiens savent que sur le trône de Dieu, Dieu est un feu dévorant. Comme on nous dit que Dieu est un feu dévorant, parce qu'il faut les tromper. Satan, c'est un rusé. Comme les chrétiens savent que Dieu est un feu dévorant. Donc quand tu vas dire feu, ils vont croire que tu parles du feu de Dieu. Ils croiront que tu parles du feu de Dieu comme Dieu est un feu dévorant. Ils vont croire que tu parles de ce feu-là. Alors que lui n'est pas, le marabout sait que ce n'est pas de ce feu qu'il s'agit. C'est une une tentation. Parce que le marabout lui a dit. Le marabout a dit à l'homme de Dieu. Quand tu vas dire feu, les chrétiens vont croire que tu parles du feu de Dieu. Ils vont croire. Ils ne vont pas se poser des questions. Alors qu'il s'agit d'une incantation. C'est-à-dire l'esprit que le marabout a lié à la barre va agir quand tu dis feu. Tu lui donnes l'ordre d'agir. C'est pourquoi quand vous voyez l'homme de Dieu faire feu, feu, feu, cet esprit comprend ce que son maître lui demande de faire. Et c'est cet esprit qui va mettre les gens en transe. C'est cet esprit qui va faire que tu vas vomir des trucs que tu avais mangés. C'est cet esprit qui a l'heure. C'est pourquoi vous le voyez crier feu, il s'adresse à cet esprit. Mais vous, vous allez croire qu'il parle du feu de Dieu, le feu de l'éternel. Il ne s'agit pas de ça. C'est une incantation. Jésus dit, il y aura des miracles, ils se feront à mon nom. Soyez vigilants. Je continue la lecture. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, que les faux hommes de Dieu vont faire les miracles pour séduire le plus grand nombre de personnes. C'est toi qui poses la question. Comment on va les reconnaître? Mais Jésus a répondu, c'est des gens qui vont utiliser la séduction. Ils séduiront. Ils séduisent, c'est des séducteurs. Ils font tout pour séduire. Tout. Quand vous voyez des affiches de leur campagne d'évangélisation ou des séminaires, vous avez des titres genre grande campagne de guérison et de miracles. Grande campagne de guérison et de miracles. Tout à l'heure, quand on lisait dans Marc, Jésus dit, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Eux, ils font des campagnes d'évangélisation dans le monde entier avec des titres, grande campagne de guérison et de miracles. Il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est des campagnes de guérison et de miracles. Vous avez d'autres affiches, vous allez voir sur les affiches, grande soirée, miracle, prophétie, guérison. Grande soirée, prophétie, guérison, délivrance. Grande soirée. Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Eux, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ils viennent chez vous, dans votre ville, pour une grande soirée de guérison et de miracles, de prophétie. Ils se déplacent, ils vous annoncent déjà. Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Ils vous apportent la grande campagne de guérison, de prophétie, de miracles. Mais Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. D'accord. Bien-aimé. Vous avez des affiches genre choc, tempête des miracles. Choc, point, tempête des miracles. Tempête. Vous avez des affiches partout dans la ville. Choc, tempête des miracles. Jésus dit, ils séduiront par les miracles. La parole de Jésus ne peut que s'accomplir parce qu'il est la vérité. Satan ne peut pas changer de méthode de faire parce que Jésus l'a déjà livré. Jésus a dit, c'est par les miracles qu'ils séduiront. Tempête des miracles. Grande soirée de délivrance et de prophétie. Ça, ce sont leurs affiches pour attirer les gens, pour séduire. C'est la raison pour laquelle, regardez leurs vidéos sur YouTube. Vous avez en majorité que des séances de délivrance et de guérison. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait à Paris, il faut bien que celui qui est en Australie puisse le connaître et le voir, afin que celui-là prenne le billet d'avion pour venir le voir. C'est pourquoi il étale sur YouTube pour se faire connaître. Il séduit par les miracles sur YouTube afin que les gens viennent le voir. Vous avez des gens qui quittent du bout du monde, qui prennent le train, d'autres prennent des avions pour venir le voir. C'est pourquoi il est allé. Jésus dit, c'est par les miracles qu'ils vont vous séduire. Jésus dit, ils vont employer les miracles pour séduire. Tempête des miracles. Grande soirée de délivrance et de guérison. C'est ça que vous voyez sur les affiches. Or, Jésus a dit, annoncez, allez partout pour annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. Mais eux, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent du pognon. Ils savent que lorsqu'on va marquer miracle, guérison, il y aura la foule. Donc, il y aura beaucoup d'offrandes, n'est-ce pas? Il y aura du monde, beaucoup d'offrandes. Et comme ils ont déjà des bagues préparées, parce que celui que Jésus a oint pour annoncer la bonne nouvelle, si sur ses affiches, vous ne verrez pas, lui ne présentera pas en premier miracle et guérison. celui qui a été oint de l'Éternel et envoyé de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, donnez-moi le nom d'un disciple de Jésus qui est allé partout pour des miracles, des guérisons et des prophéties. Quel est son nom? Aucun, tous, lisez les Épîtres, tous allaient partout pour annoncer la bonne nouvelle selon ce que Jésus leur avait demandé. Ils n'ont jamais été dans un coin et parlé de venez, guérison et miracle. Aucun d'eux. Aucun. Mais Jésus a dit, dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de faux hommes de Dieu, faux prophètes. Ils séduiront les gens par les miracles. Méfiez-vous de cette vidéo de miracle. C'est la séduction. Parce que si tu mords à l'hameçon, tu vas prendre le TGV pour venir le voir. Si tu mords à l'hameçon, tu vas prendre le billet d'avion. Il y a une femme qui m'a dit, il y a des gens qui partent des Antilles pour venir en France parce qu'ils ont été attirés par des vidéos. Et quand tu vas voir cet homme de Dieu, bon, cet homme du diable, parce que quand vous regardez leurs doigts, vous avez des grosses chevalières qui ont été travaillées chez le marabout. Si cet homme vous dit que les chevalières là ne servent à rien, c'est un menteur, je vous l'ai déjà dit. Moi-même, j'étais à côté d'un grand marabout. Si cet homme dit que les bagues qu'il a n'ont aucun effet, ne servent à rien dans l'œuvre, dites-lui, pasteur, donne les bagues, on va les brûler. Dans Actes des Apôtres, des gens amenaient ce genre de trucs, des trucs qui avaient touché à l'occultisme. La Bible dit on les brûlait devant tout le monde. Mais pourquoi ils les gardent là? Posez-lui la question. Est-ce qu'il est dans la franc-maçonnerie? Ce sont des francs-maçons qui gardent des grosses chevalières au doigt. Lui dit, il dit qu'il est homme de Dieu. Hein? Les chevalières font quoi au doigt? Les chevalières font quoi au doigt? Tu dis que tu es homme de Dieu. Alors, les francs-maçons, eux, ils ont signé des pactes dans les loges. Ils portent des grosses barbes magnétisées. Tout le monde le sait. Mais toi, tu dis que tu n'es pas rosicrucien. Tu n'es pas franc-maçon. Tu dis que tu es homme de Dieu. Alors, les chevalières, les grosses chevalières que tu portes là, les chevalières là servent à quoi? Puisque tu dis que tu es homme de Dieu, pourquoi tu portes des chevalières? Pourquoi? Si tu es homme de Dieu. Donc, comme en ce moment, enfant de Dieu, comme on dénonce les bagues, que font beaucoup? Ils enlèvent maintenant les bagues de doigts dans la veste. Mais il y a un truc qu'ils ne peuvent pas changer. Le miracle qu'il fait, il le fait comment? Comme il a caché la bague. D'accord, vous ne voyez plus la bague. Mais il faut regarder comment est fait le miracle. Je vous dis, le Camerounais qui est ici, il fait au micro. Les gens tombent. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Boum, boum. Mais c'est... Bien aimé, j'étais choqué. J'étais choqué. Il a le micro. C'est quoi ça? Et les gens disent qu'il fait des miracles. Il faut regarder comment il fait le miracle. Feu! Feu! Feu! Il faut regarder, c'est une incantation. Ça, c'est ce que le marabout lui a dit de faire pour faire intervenir l'esprit que le marabout a lié à la bague. Le marabout lui dit, quand tu vas dire feu, parce que quand moi j'ai travaillé la bague, je me suis adressé à ce démon. Je lui ai dit que bon, celui qui va porter cette bague, d'accord, tu es en liaison avec la personne, quand il va dire feu, c'est là où il faut intervenir. Alors, toi, tu es l'homme de Dieu, on te donne cette bague. Toi, tu crois ce que le marabout t'a dit. Et quand tu vas dire feu, ça permet à la divinité qui a été liée à la bague d'intervenir. C'est de ça qu'il s'agit, peuple de Dieu. Feu, fire, fire, fire. C'est ce que le marabout lui a dit de dire. C'est ce qu'il applique là. Et le démon qui a été lié à la bague va intervenir. Il va provoquer des gens qui tombent par terre. Il va provoquer des prophéties. Oui, le diable voit dans Actes des Apôtres. Je vous l'ai déjà dit, une femme qui avait en elle une sorcière, un démon de Python. Il voit Paul et sa délégation passer. La Bible dit, elle s'est mise à crier. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais est-ce que c'était faux? Paul était là en tant qu'homme de Dieu et ils étaient là pour annoncer la voie du salut. Regardez ce que le démon dit de la bouche de la femme. Oh, merci Saint-Esprit, l'Esprit vient de me le mettre dans la tête. Que dit l'Esprit de Python de la femme? Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce démon ne dit pas, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus pour faire des miracles. Ils sont venus pour faire des miracles. Non, le démon dit, c'est pour annoncer la voie du salut. Paul n'était là pas pour faire les miracles. Même le démon le sait. L'esprit de Python sait que l'homme là, il n'est pas venu ici pour opérer des miracles. L'homme là n'est pas venu ici pour les prophéties. Cet homme là est venu pour annoncer la voie du salut. Mais pourquoi Paul est venu là pour annoncer la voie du salut? Parce que Jésus a dit, parcourez le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. C'est pourquoi le démon qui habite la femme, il sait que Paul est venu pas pour opérer des miracles. Paul n'est pas là pour venir prophétiser. Le démon sait que là, il est venu, c'est pour vous annoncer la voie du salut, pas pour faire des miracles. Mais vous avez des hommes de Dieu aujourd'hui, si on les invite en Suisse, les pubs, on fait la pub, les affiches publicitaires, grande soirée de guérison et de miracles. Et non, et puis on met la photo du monsieur, on met sa photo, grande campagne, big miracle, délivrance, prophétie. On m'a prophétie assurée. Prophétie assurée. Prophétie pour tout le monde. Mais le démon de Python qui habitait la femme dit, Paul là, c'est un serviteur de Dieu. Il est venu dans notre ville pour annoncer la voie du salut. Le démon ne dit pas, il est venu dans notre ville pour big campagne de guérison et de miracles. Pour les tempêtes de miracles. Le démon savait que Paul lui, c'est pas, il n'est pas venu ici pour opérer les miracles. Il est venu annoncer la voie du salut. Parce que c'est ce que Jésus attend de son serviteur. Annoncer la parole de Dieu. Pas pour aller dans un pays des affiches big miracle. Sous grande soirée de miracles et de délivrance. Grande soirée de prophétie. Prophétie assurée. Jésus dit, ils séduiront le monde par les miracles. C'est pourquoi quand il va quelque part, c'est des affiches ne parlent que de miracles. Que des délivrants de prophéties. Certains mettent même leur numéro de téléphone sur Facebook, YouTube. Prophète tel, numéro de téléphone WhatsApp, prophétie en live. Tout le monde appelle pour avoir la prophétie. Là, on est carrément chez un voyant, chez le marabout. Là, vous êtes chez le voyant. J'ai vu tout dernièrement une affiche, le 23 août là, une affiche à Abidjan. Grande soirée de voyance. Ils ont carrément marqué de voyance. La voyance. Grande soirée de voyance. Le diable ne se cache plus. Grande soirée de voyance. Là, lui, là, n'a plus dit grande soirée de prophétie. Il a carrément mis de voyance. Le 23 août, là, à Abidjan, grande soirée de voyance. On est carrément dans la voyance. Mais d'autres sont beaucoup plus rusés. Un mètre prophétie. Mais en fait, c'est la voyance. On est dans la voyance. Mais Dieu a dit d'annoncer la bonne nouvelle. Tout dernièrement, au Bervilliers, un Ivoirien, il dit qu'il est homme de Dieu, il est général de je ne sais pas quoi. Alors, il vient, pendant qu'il était là, il y a des gens qui me critiquent. On dit que Dieu ne me parle pas, je suis un faux homme de Dieu. J'ai tout entendu. Madame. Dieu me dit que tu as 10 euros dans ton sac là. Elle aussi ouvre le sac. Alors, c'est pas les 10 euros. On est dans la voyance. Le Saint-Esprit ne fouille pas dans les poubelles. Le Saint-Esprit ne s'occupe pas des futilités. Le Saint-Esprit est sur terre pour sauver les âmes. Pas pour parler de tes 10 euros qui sont dans le sac. Il n'a rien à foutre. Le Saint-Esprit est au milieu de nous pour sauver les vies. Parce que les gens vont en enfer. Pas pour parler de tes 10 euros. Hé, madame, toi qui es en bleu là, hein, je vois ton mari avec une autre femme. Il faut faire attention. Le Saint-Esprit ne fouille pas dans les futilités. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Mais Satan vient pour diviser. Satan va te dire, je vois ton mari avec une autre femme à l'hôtel. C'est pour séparer. Parce que quand la femme va encaisser ça, ça peut aller jusqu'au divorce. Et là, Satan peut applaudir parce que Satan est contre le mariage. Satan n'aime pas le mariage. Il veut que tous les hommes restent célibataires pour encourager l'impudicité. Pourquoi? Parce que le diable sait que les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il le sait. C'est pourquoi il lutte contre le mariage pour que le maximum de personnes restent célibataires pour encourager la fornication. Tout ce que Satan demande aux gens de faire, c'est pour qu'ils ne, qu'il soit disqualifié du royaume de Dieu. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas. Donc la question a été posée à Jésus. Comment on va les reconnaître? Regardez les fruits. Regardez le témoignage. Combien de femmes enceintes? Combien? Il y a une couleur de jupon, un Congolais. Il couche la grande soeur, il couche la petite soeur. Quand la famille apprend ça, monsieur a fait ses valises, il a fui la nuit. Il est venu se cacher à Paris. Il recommande les mêmes conneries. À l'heure d'aujourd'hui, il couche les femmes à Bruxelles. Un éternel célibataire. Quand tu le vois, il est super élégant, bien habillé. Parce que c'est séducteur, n'est-ce pas? Ils prennent, comment dirais-je? Ils s'occupent de tous les détails, même l'habillement. Quand tu vois, moi je l'ai vu prêcher. Si ce mec, tu vas à 4-5 dimanches à ses cultes, mais tu te dis, mais non, il doit être en liaison avec les grands couturiers. Parce que lui, la paire de chaussures, c'est le dernier cri. Mais éternel célibataire, il séduit les femmes, il couche. Vous pouvez être saint, vous partez le voir à l'hôtel, il va tous vous coucher. Il ne se marie pas. Il dit qu'il est homme de Dieu, révérend. Jésus a dit, regardez les fruits, le témoignage. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, mais leur campagne d'évangélisation, c'est big, grande soirée de miracles. Prophétie à volonté. Prophétie pour tout le monde. Ils vont de pays en pays pour les miracles. Ils vont de pays en pays pour les délivrances, pour les prophéties. Mais Jésus a dit, allez pour la bonne nouvelle. Et Paul était un homme de Dieu. Paul parcourait partout pour la bonne nouvelle, au point où le démon de Python qui habite la femme dit, ces hommes vous annoncent la voie du salut, ce sont les serviteurs de Dieu. Le démon n'a pas dit, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, ils sont venus pour faire des miracles. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils sont venus pour des prophéties. Le démon ne le dit pas. Il dit, c'est les hommes de Dieu, mais ils sont venus au milieu de nous pour annoncer la bonne nouvelle. Donc on voit bien que Paul respecte, obéit à ce que Jésus avait dit. Mais les faux hommes de Dieu, quand ils vont dans des régions, dans des villes, il faut regarder les affiches publicitaires, c'est pour opérer des miracles, des prophéties, des délivrances. C'est ce qui est étalé sur des affiches. Choc, miracle de guérison, grande soirée, grande veillée, des délivrances de prophéties, des guérisons. C'est ce qui est étalé sur les affiches. Ils ne sont pas venus pour la bonne nouvelle, comme Jésus l'a dit. Ils sont venus pour faire des miracles. Quand ils viennent dans votre pays, dans votre ville, ce n'est pas pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour faire les miracles. Et Jésus a dit, les faux vont séduire par les miracles. C'est pourquoi la séduction, vous allez la trouver sur des affiches publicitaires. Grande soirée de miracles. Grande soirée de délivrance. Parce que Jésus a dit, c'est par ces choses-là qu'ils vont séduire les gens. Et c'est pourquoi les gens courent derrière eux. Vous avez des gens qui partent des Antilles pour venir en métropole en France parce qu'ils ont été séduits par une vidéo. Par une vidéo. La séduction. Jésus a parlé de la séduction. C'est la dernière cartouche. C'est l'arme. L'arme du diable pour les temps de la fin. Satan utilise aujourd'hui la dernière cartouche pour les temps de la fin. La séduction. Jésus dit, dans les temps de la fin, Satan va utiliser la séduction. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les miracles, faire les miracles, c'est un jeu d'enfant. Tu ne te fracasses pas. Il suffit d'avoir un peu de pognon. Tu vas voir le grand marabout au Ghana, ou en Côte d'Ivoire, ou au Nigeria. C'est facile. Faire les miracles aujourd'hui, ce n'est plus difficile. Tu te dis, bon, ok. Bon, moi je chôme, je n'ai pas d'argent. Les autres gagnent du pognon. Ils ont des gros machins. Bon, moi aussi je m'en vais. Comme ces grands marabouts ont étalé des sites sur Internet. Vous tapez seulement, si vous tapez Maître Salomon Côte d'Ivoire, vous allez tomber sur son site Internet. Il étale les prix. Bague pour... Plus la bague va opérer beaucoup de miracles, plus le montant de la bague est élevé. Tu n'as plus besoin. Ces gens-là n'attendent pas de Dieu pour faire les miracles. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Tu vas voir le grand marabout, il te prépare là-bas. Bon, ok. Je suis venu pour une bague. Combien? Tu veux que ta bague fasse quoi? Bon, moi je veux une bague. où j'ai la possibilité de prophétiser, où j'ai la voyance, où les gens peuvent être délivrés ou guérisons. Et tu dis, ok, bon, ça va coûter 500 000 francs CFA. Tu donnes. Et puis tu as le truc ici, tu essaies de tester au quartier, les gens tombent en transe et tout. D'accord? Tu te dis, ok, bon, moi je vais prendre le nom Bishop ou Révérend Général. Tu choisis, c'est toi qui choisis le nom. Tu choisis le nom que tu veux. Ensuite, tu es maintenant étalé, tu commences à faire des campagnes d'évangélisation. Parce que quand les gens vont tomber par terre, on va dire, oh, il a l'onction de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Parce que les gens tombent par terre. Mais les gens ne regardent pas les doigts. Mais tu ne vois pas la main. Moi, je te dis que lorsqu'il te touche la tête avec la main où il y a la grosse bague là, tu vas être envoûté. Il te communique les démons qui sont liés à la bague. Parce que je te fais savoir que lorsque le marabout travaille la bague, les bagues sont travaillées, selon ce que j'ai vu, entre 1h du matin et 3h. C'est là où tous les sorciers sont dehors. C'est là où il allume les bougies et il va parler à des divinités, à des démons qu'il va lier à la bague. D'accord? Et il cite le nom de l'homme de Dieu qui va porter cette bague. Et quand tu la récupères, tu dis, ok, voici les consignes à respecter. Celui qui va agir là, quand tu vas, tu seras à l'estrade, on l'appelle feu. Tu l'appelles feu, pas un autre nom. Donc quand tu vas dire feu, feu, feu, les gens vont croire que tu parles du feu de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Quand les gens vont entendre feu, ils vont se dire, ah, il parle du feu de Dieu. Ils ne sauront pas de quel feu tu parles. Ils ne comprendront pas de quoi tu parles. Alors que toi, le faux homme de Dieu, tu sais très bien que tu t'adresses à une divinité. Tu sais très bien que quand les gens tombent par terre là, ça n'a rien de Jésus. Tu le sais. Tu le sais. Mais tu sais que plus les gens vont voir ce spectacle, plus les gens vont venir dans ton église. Et quand ils vont venir dans ton église, tu auras le pognon. C'est pourquoi dans ces églises-là, vous avez de ces lieux-là, les pièces, on n'en veut pas. On n'en veut pas de pièces. Ils n'ont pas besoin de pièces parce qu'ils ont besoin de l'argent. Tu vas le voir comme le routier qui me téléphone de l'Italie. Je lui dis, mais je lui ai dit, je suis en France. Toi, tu es en Italie, il n'y a pas d'homme de Dieu là-bas. Il me dit, mon frère, j'ai déjà vu 4-5. À chaque fois que je m'en vais voir entretien, pose d'abord une offrande. En fait, comme à l'époque de Jésus, ces faux-là sont entrés dans le temple, pas pour prêcher la bonne parole, pas pour le royaume de Dieu, mais c'était pour du pognon. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Parce que ces commerçants-là, ils se disent hommes de Dieu. Archibishop, révérend évangéliste, révérend pasteur, général tel, bishop. Tout. Ils ont pris des noms. Ils sont entrés dans l'église. Parce qu'on les considère aussi comme hommes de Dieu. Voilà. Ils ont pris la peau des brebis. Ils ont l'apparence d'hommes de Dieu. Mais Jésus dit, au dedans, c'est des loups. Les loups. Mais vous allez reconnaître les loups par leurs fruits. Comment expliquer un monsieur amène une fille de 15 ans qui a des problèmes, venir voir un homme de Dieu. Et toi, tu dis, je ne peux prier pour l'enfant que si tu poses telle somme comme offrande. Ils n'ont même pas l'amour des brebis. La petite fille retourne à la maison malade parce que papa n'a pas la somme que le faux homme de Dieu demande. Les prières sont payantes. Tu veux la délivrance? Pose telle somme comme offrande. Tu veux que je chasse l'esprit de Marie de nuit? Tu poses d'abord telle somme. Moi, je vends les prières. C'est des vendeurs de prières. Il te fait comprendre que lui, il vend les prières. L'homme retourne à la maison avec une petite fille malade parce que papa n'a pas le montant qu'on lui demande. Vous appelez ça homme de Dieu? Vous appelez ça homme de Dieu? Comme tu n'as pas le montant qu'on demande, on ne prie pas pour l'enfant. Tu retournes à la maison avec l'enfant malade parce que tu n'as pas la somme. Ça, c'est des loups. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. C'est des gens qui sont entrés dans l'église pour piller les brebis. Piller. C'est des serpents. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, extérieurement, ils ont l'apparence des brebis. Mais dans le cœur, c'est des loups. Croyez-vous qu'un vrai homme de Dieu, qui a l'amour des brebis, il est rempli du Saint-Esprit. Un enfant va retourner à la maison malade parce qu'il n'y a pas une somme d'argent. Vous croyez à ça? Là, on est chez les marabouts, là. Là, c'est des guérisseurs, parce qu'un guérisseur, il faut que l'argent soit posé sur la table. Ça, ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Donc, bien aimé, oh, comment on va reconnaître les hommes de Dieu? Jésus a répondu à la question. Ce que vous devez faire, c'est de lire la Bible afin d'avoir le discernement. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas avoir le discernement. Le faux homme de Dieu va te rouler dans la farine. Le Camerounais qui faisait na na na, les gens tombent. Lorsqu'il est venu vers moi, il imposait les mots aux gens. Moi, je l'ai regardé comme ça, tout droit dans les yeux. Tout droit. Il ne m'a pas posé sa main. Il a su que oh, celui-là, il ne fait pas comme tout le monde. Et à la fin du culte, je l'ai vu. Ah oui, ah mon frère, tu es Gabonais, moi je suis Camerounais. Mais avant de venir en France, je suis passé par la Côte d'Ivoire où j'ai fait 10 ans. Et j'ai compris pourquoi la grosse bague est là. Il a eu en Côte d'Ivoire. Je maître Salomon. Parce que c'est lui qui vend les bagues pour hommes de Dieu. Les bagues pour opérer des miracles. Il a un site internet et lui-même te donne, il montre les bagues et les prix des bagues pour opérer des miracles dans les églises. Tous ces gens-là passent là-bas, ils ont des bagues de chevaliers ici, des chevaliers magnétisés, dotés de pouvoirs occultes pour prophétiser. C'est-à-dire, l'esprit qui est lié à la bague, c'est cet esprit qui te permet de connaître les choses de la vie de la personne qui est en face de toi. Comme acte des apôtres, la femme qui avait le démon de Python, c'est ce démon qui permettait à la femme de savoir que Paul est homme de Dieu, il est venu ici pour annoncer la voie du salut. C'est grâce à ce démon que la femme était informée sur ce que Paul est venu faire. Le faux homme de Dieu, grâce à la bague qui est au doigt. Donc attention, d'autres ont des bagues, d'autres ont des chaînettes qui se terminent par un gros crucifix. Parfois la chaînette là, il la glisse dans la veste. D'autres ont des mouchoirs magnétisés. Quand il prie pour les gens, il a toujours ce mouchoir là en main. Ce mouchoir là n'est pas sain. Ce mouchoir n'est pas sain. Donc, il faut regarder comment il fait le miracle. Vous avez certains, ils te placent le pied. Ils te placent le pied, par exemple, ici au ventre. Le pied, son pied. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un comme ça. Il faut regarder comment Satan opère les miracles. Donc, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Faites, ne posez plus cette question-là. Les gens qui te demandent l'argent sur la table avant une prière, comprends tout de suite que tu as affaire à un loup. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Pierre n'est pas allé pour faire des miracles. Même le démon qui habitait la femme a dit, il est un homme de Dieu. Il est venu ici, dans notre ville, pour annoncer la voie du salut. Donc le démon ne dit pas, il est venu ici pour opérer des miracles. Ou pour prophétiser. Le démon savait que l'homme-là, lui se déplace pour annoncer la voie du salut. Pas pour faire des miracles, pas pour faire des prophéties. Ça, c'est un vrai homme de Dieu, l'apôtre Paul. Un vrai homme de Dieu. Il se déplaçait pour annoncer la bonne nouvelle, pas pour opérer des miracles. Pas pour opérer des miracles. Même les démons le savaient, que l'homme-là, lui, se déplace que pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, et c'est Jésus, comme il le veut, et quand il le veut, qui opère les miracles. Nous ne pouvons pas. Moi, je ne peux pas dire tout de suite, je m'en vais prêcher au Luxembourg ou en Allemagne et commencer déjà à dire, je vais faire des miracles. Est-ce que je suis Dieu? Si on m'invite aujourd'hui à aller prêcher en Allemagne, je vais dire, dites que je vais faire des miracles. Par quel pouvoir? C'est Dieu, si vraiment je compte sur Dieu. C'est Dieu qui va faire des miracles. Donc, je ne peux pas déjà dire, marquer que je vais faire des miracles. Je ne peux pas dire au frère, faites dans les affiches que je vais prophétiser, je vais faire des miracles. Non! C'est Dieu qui fait ces choses comme il le veut. Ce que Dieu attend de moi, c'est juste annoncer la bonne nouvelle. S'il y a des miracles à faire, ça ne dépend que de lui. Donc moi, je ne peux pas déjà dire, faites des affiches comme quoi je viens faire les miracles. Quand Paul prêchait, Dieu faisait les miracles. Mais Paul ne se déplaçait pas pour aller faire des miracles, il se déplaçait pour annoncer la bonne nouvelle. Donc méfiez-vous de quelqu'un qui vient dans votre ville, dans votre pays. Il a déjà dit qu'on marque sur les affiches, grande campagne de guérison et de miracles. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est, comment il le sait? C'est parce qu'il compte sur sa barre. C'est pourquoi il peut déjà dire, marquer qu'il y aura des miracles. Parce qu'il est sûr de sa barre. Mais quand tu n'attends que de Dieu, tu ne peux pas déjà parler de miracles parce que tu ne sais pas si Dieu va faire des miracles ou pas. Tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas déjà dire, marquer miracle. Parce que tu ne sais pas, c'est Dieu lui-même qui sait s'il va faire des miracles ou pas. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu annonces la bonne nouvelle. Tout simplement. Donc toi, tu es déjà sur le lit. Dites prophétie, guérison, délivrance. Parce que tu comptes sur le fétiche que le marabout t'a donné. C'est pourquoi tu es sûr. C'est pourquoi tu peux déjà leur dire, ok, frère, j'arrive. Marquez que je veux faire des miracles. Marquez que je veux faire des prophéties. Parce que tu es sûr à 100%. Mais Paul et les autres, quand ils allaient prêcher de gauche à droite, ils n'ont pas parlé de miracles. Parce qu'ils savaient que c'est Jésus qui les fait. Donc nous, on ne sait pas s'il va les faire ou pas. Ce qu'il attend de nous, c'est juste annoncer la bonne nouvelle. Le reste, c'est lui qui le fait. C'est pourquoi il ne pouvait pas déjà dire, moi, Paul, j'arrive aux les guérisons, tout, à gogo, vous aurez ça. Non, il ne peut pas le dire. Parce qu'il ne sait pas si Dieu va les faire ou pas. Mais quand vous voyez que déjà la personne vient, il parle déjà qu'il va faire des délivrances, des guérisons. Mais c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Donc, il est sûr de ses fétiches. Il a les gris-gris. Il a vu les marabouts. C'est pourquoi, comme le marabout a donné là-bas, il sait que qu'il pleure ou qu'il neige, il y aura des manifestations. Parce que quand je vais dire « fire, fire, fire », le démon qui est lié à ma bague va agir. C'est pourquoi il est sûr à 100% qu'il y aura des miracles. Il est sûr. Parce qu'il sait sur quoi il compte. Il sait. C'est pourquoi il peut déjà dire « marquer qu'il y aura des miracles ». Frère, oui, j'arrive jeudi prochain, vous pourrez déjà marquer qu'il y aura des prophéties, il y aura des miracles. Parce qu'il est sûr de son truc. Il est sûr de son truc. C'est pourquoi il peut déjà dire, vous pouvez marquer qu'il y aura des miracles. Il y aura. Marquez. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, bien-aimés. Faisons très attention, donc ne posez plus la question. Je vais lire un texte que vous connaissez tous, bien-aimés. Dans Matthieu chapitre 24, je vais terminer par ça. Comme Jésus s'en allait au verset 1, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Seigneur, nous on veut savoir, tu vas bientôt partir. Mais comment on va connaître? Jésus dit au verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus nous révèle que l'arme des temps de la fin que Satan va utiliser, c'est la séduction. Jésus lui dit, prenez garde que personne, Jésus nous révèle à tout croyant que l'arme du diable des temps de la fin, c'est la séduction. Méfiez-vous que Satan ne vous séduise pas. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc l'arme du diable des temps de la fin, c'est la séduction. Au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction, c'est l'arme du diable des temps de la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je lis au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Oui, ça on peut l'expérimenter partout. Il y a des gens, je connais une soeur en Christ, elle est mariée à un Européen. Elle me dit, frère, si la Bible rentre dans la chambre, c'est la guerre à la maison. On va discuter, il ne veut même pas voir la Bible dans la chambre. C'est-à-dire que vous avez des collègues de travail, quand vous pouvez parler de tout, même si vous pouvez parler des abominations sexuelles et tout, mais une fois que vous voulez dire Jésus, ah non. Il n'y a que Jésus qui les dérange. Quand que vous parlez de n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Tout le monde rigole. Mais lorsque vous voulez dire Jésus, ça. Ah non. Jésus dit, ils vont vous haïr à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Beaucoup vont tomber. La séduction va emporter plein de gens. Au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit, sachez, dans les temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Beaucoup, ils vont réussir à séduire. Ils vont réussir à séduire beaucoup de gens. ils vont quand même réussir à se séduire puisqu'ils ne parlent que de miracles. Et Jésus dit au verset 15, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais tout à l'heure, Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Mais ce qu'on remarque au verset 24, ils séduiront beaucoup de gens, mais au verset 24, les élus, Dieu va les protéger. Mon frère, ma soeur, si ces histoires de miracles ne t'attirent pas, tu fais partie des élus. C'est pourquoi, même si tu vois sur YouTube, ça ne t'attire pas. Tu n'as pas envie d'aller voir cet homme. Mais les personnes qui seront séduites vont aller, vont prendre le train, l'avion. Mais si toi, tu résistes à ça, tu es élu. Les élus seront protégés par Dieu. C'est-à-dire que la personne peut venir devant toi. Il prend un ver, il le transforme en chat. Il prend ça, il le transforme en poisson. Quels que soient les miracles qu'il peut faire en face de toi, tu n'es pas, ça ne t'attire pas. Tu ne ressens pas l'envie, tu auras le doute. Tu vas même dire, non, tu es un faux. Si tu résistes à la séduction, c'est une grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va permettre à ses enfants de résister à la séduction. Ça ne t'attirera pas. Même si tu vois cet homme faire des miracles, ça ne t'attire pas. C'est Dieu qui va protéger les élus. Pour que les élus ne soient pas attirés par cette séduction que le diable fera à travers les faux prophètes par les miracles. Parce que les miracles, c'est l'arme que Satan utilise dans les temps de la fin pour séduire le monde. Les miracles, c'est Jésus qui le dit. C'est par les miracles. Et au verset 25, Jésus dit, voici, je voulais annoncer d'avance